pense que c'est pour capter l'eau quand il y a des crues. Donc c'est possible que c'est vraiment juste ici quelque part. Oui, c'est une bassine de rétention. Il arrive là et c'est cet axe-là. Oui, et nous on est où? On est là. Oui. Enfin, ou alors c'est un peu plus loin. Mais là, je pense que je l'entends. J'ai du mal à savoir si c'est juste le bruit blanc ou si ça peut être ça. Peut-être que la rivière est contour la route. Oui. Ah bah là on n'entend rien. Il y a de l'eau par contre. Oui. Mais là c'est les égouts peut-être. Oui, c'est les égouts. Ouais. Non, c'est celui. C'est le bruit de la pluie sur les feuilles. Ouais. C'est la pluie sur les feuilles. Ah, c'est ça. Mais avec la pluie aussi c'est trompeur. Oui, c'est trompeur. C'est difficile de trouver de l'eau. Ça, c'est... Non mais c'est... J'entends le bruit des gouttes là. Ouais, aussi. Ah, c'est des gouttes. Et en même temps, d'un point de vue sonore, c'est un peu comme si on avait trouvé une rivière. Ah oui. Ouais, t'as raison. C'est un on peu. On peut se raconter des histoires. On reconstitue la rivière. Où est la rivière? Où se trouve le verdi? Combien de temps prend-il pour qu'une graine de terre tombe dans un tuyau, coule de la vue neuve jusqu'à l'hiver? Les gens ici savent qu'une rivière coule sous leurs pieds. Il me semble que non. Plus que ça, il y a même peut-être des traces de ces gens et de leur vie dans cette rivière. L'écrivain Nina Léger a dit que le sédiment, c'est la mémoire de l'eau. Elle n'a pas demandé de devoir se souvenir d'un aéroport, ni d'une ville, ni d'une cité. La rivière parle quand même si on prend le temps d'aller l'écouter. Il y a une rivière là. Attends, il y a un camion. Il y a une rivière. Ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est ça. Donc, si on, donc, on entend le. Non, c'est la rivière. Ça veut dire qu'il y a une rivière là.